Section 46 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Yannick Loiseau. La lecture, tome 7e. Section 46, le 19e siècle. Comment Frédéric Pontau, 30 campagnes, 20 blessures, ne devint pas maréchal de France, par A. Robida. Chapitre 2. Le pont coupé est rétabli. Le sergent Pontau fut tiré de ses réflexions par l'appel d'un de ses hommes placé à une lucarne de grenier devant le pont. « Les Kaiserlich !» cria le soldat. Depuis une heure, le roulement de la canonnade avait augmenté dans le lointain, et la fusillade qui devenait aussi plus nourrie s'était rapprochée. Par-dessus un mamelon, cernant sur la gauche un coude de la rivière, des colonnes de fumée blanche montaient. De l'autre côté de la petite rivière, sur la route d'Alsace, venaient de paraître 5 ou 6 cavaliers galopant à toute bride. À la peau de mouton voltigeant en manteau sur leurs épaules, à leurs talpaques à hautes aigrettes, on reconnaissait des hussards. Le sergent Pontau eut une inspiration. « Des éclaireurs !» dit-il à ses hommes. « Vite, du mouvement, une charrette, et ayons l'air de barricader le pont, ne leur laissons pas voir qu'il est coupé. » Les soldats avaient avisé déjà une charrette et des instruments de labour sous un hangar. Quelques hommes s'y attelèrent et les poussèrent jusqu'à la coupure du pont. « Montrons un peu de désordre, de la précipitation. Là, c'est bien. Attention maintenant !» Ne laissons pas les Kaiserlichs approcher plus près. Ils s'apercevraient de la farce. Les éclaireurs s'étaient arrêtés dans un pli de terrain. Quand leurs talpaques parurent au-dessus des talus, une volée de coups de fusil les salua. L'un des hussards se montra tout entier, fit par bravade caracoler son cheval sur la route et se retira au grand galop derrière ses camarades, après avoir tiré un coup de pistolet sur les défenseurs du pont. Les manteaux noirs sautaient et voltigeaient au loin. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées depuis leur disparition que la vedette du grenier signala leur retour. Une masse rouge avançait en trottant. C'était l'escadron que les éclaireurs avaient rejoint. « Attention, cette fois c'est pour de bon, » dit le sergent. En arrivant au pli de terrain que les éclaireurs n'avaient pas dépassé, les hussards, poussant de grands hurrahs, accélérèrent leur galop. Frédéric distingua pendant l'espace d'une demi-seconde un tourbillonnement de dolmans rouges et de manteaux noirs avec des éclairs de sabres brandis. Puis tout se fondit dans la fumée dont soudain les défenseurs du pont s'enveloppèrent. La fumée s'envola, le tourbillonnement des dolmans reparut, un peu disloqué. Quelques chevaux gisaient avec leurs cavaliers sur le sol. Les autres arrêtaient leur élan pour éviter le groupe des blessés. Ils arrivaient au pont, lorsqu'un grand officier à longue moustache noire qui tenait la tête fit cabrer son cheval et parut un instant renversé en arrière et comme porté avec sa monture par les hussards qui le suivaient. Il avait aperçu la coupure du pont béante et la rivière presque sous les pieds des chevaux. Il eut un mouvement de confusion terrible, des cris, des chocs violents, une poussée des derniers rangs de l'escadron contre les premiers, puis une nouvelle décharge, 40 ou 50 coups de fusil, dans la cohue d'hommes et de chevaux entassés au bout du pont. L'officier gisait à terre avec une jambe prise sous son cheval, parmi les ruades des autres chevaux affolés. Quelques hommes, démontés aussi, l'aidaient à dégager sa jambe, pendant que des blessés cherchaient à sortir de la bagarre. La fusillade, plus irrégulière, continuait. Les hussards, se répandant sur les côtés du pont, répondaient à coups de carabine. Enfin, l'officier fut debout, la mine furieuse, ses moustaches noires tremblantes. Il resta au milieu du pont, en criant des ordres à ses hommes. En un clin d'œil, avec une agilité de chat sauvage, une 40aine de hussards eurent sauté à terre et donné la bride de leurs chevaux aux camarades restés montés qui continuèrent à faire le coup de feu. Sautant sur les poutres du pont, s'accrochant aux garde-fous restés en place, les hussards s'avançaient en s'encourageant par des clameurs terribles. Sur les dernières planches du pont en dos d'âne, l'officier dominait la légère barricade élevée par les Français. Il resta un instant comme une cible vivante devant les fusils. Puis, tout à coup, Le sergent, qui, sans avoir le temps de penser, distinguait cependant et admirait, entre deux éclairs de flammes, l'homme superbe, sa belle figure martiale, son teint coloré, ses longues moustaches, son uniforme flamboyant et chamarré, le vit brandir quelque chose en l'air et lancer ce quelque chose sur la barricade en criant un hurrah qui se perdit dans la terrible et générale clameur. Instinctivement, Frédéric suivit des yeux l'objet lancé par le hussard. Il le vit tomber à terre dans un espace découvert à la gauche du pont. Sans réfléchir, le sergent sauta hors de la barricade et se précipita sur l'objet qu'il rapporta sans le regarder sous les coups de feu des hussards de la rive. Puis le tapage redoubla, la barricade et le pont se couvrirent de fumée. Tout disparut pendant 5 minutes. 2 ou 3 hussards arrivèrent jusqu'aux voitures, des sabres brillèrent et s'abattirent, puis disparurent. Enfin, une éclaircie se produisit. Les clameurs cessèrent subitement. Les Français aperçurent les hussards en désordre de l'autre côté du pont. Ils remontaient à cheval et tournaient bride au galop. Quelques cadavres gisaient devant la barricade, quelques blessés s'accrochaient aux poutres du pont pour ne pas tomber à l'eau. Le commandant des hussards n'était pas parmi les blessés. Il n'était pas non plus parmi les morts, à moins qu'il ne fût tombé à l'eau. Frédéric en fut heureux. C'eût été dommage, un ennemi, mais un si bel homme. Pendant que les soldats, sur son ordre, transportaient les blessés dans le village, où quelques têtes effarées paraissaient maintenant, Frédéric regardait l'objet lancé par l'officier. C'était une pipe. Une grosse et superbe pipe en bois, dont le fourneau représentait une tête de hussard à forte moustache tombante, à longue cadenette, avec un talpaque formant couvercle, monté sur une charnière d'argent. Un cercle d'argent entourant le tuyau portait, gravé, en belles lettres allongées, le mot « Prachi, 1790 ». Fin de la section 46.